l'âge s'endurcit, mais son cœur lui n'a toujours pas mûri. La tristesse le hante, il s'aperçoit de ce monde incompris, condamné à souffrir sous le regard de ses frères de filles. Né dans la misère, il n'a pas la chance d'être heureux. Il voit le temps qui passe et n'a plus la forme de sa vie. Il veut pleurer, mais la nuit, les anges lui disent d'oublier. Doit se redonner l'envie et continuer d'avancer. Épuisé, fatigué. Petit enfant va grandir et continuer d'avancer. Petit enfant remue à ciel et terre pour trouver le bonheur. Lève les yeux au ciel et doit s'y faire, il cachera ses peurs. Grandira son père et toutes les nuits, chante papa où t'es. Il voit le temps qui passe et n'a plus la force de sa vie. Il veut pleurer mais la nuit.